بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. في الحقيقة صعب كحاصل أن المراقبة لقليلة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. بص أسير حديث أن يوم القيامة أنسفل l'âme dans cette représentation que tu as fait. Pense à Adil Umur. Pense que tu auras des comptes à rendre. Al-Mas'ala, elle n'est pas sahla. Al-Mas'ala, c'est Jannah ou Nar. Qadiakul Qa'il, mais on peut répondre à ce point. Moi, je regarde les savants. C'est ce que tu crois. Aujourd'hui, tu regardes les savants. Demain, Allah Alam, qu'est-ce que tu vas regarder? Fattaqillah min nafsi. Parmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يشكل على كثير من الناس وحصل فيه، أي في هذه المسألة، الخبط والتخبط والإشكالات والشبه، مسألة التصوير. هذه فتنة عظيمة، عظيمة جدا. وفي الحقيقة الأدلة الواردة في الكتاب وفي السنة، في الحقيقة الأدلة ليست clear، واضح شخصة فتنة، لكن الشبهات والشهوات والجهل سافد ست مسألة clear في الكتاب والسنة، من فتنة عظيمة الآن في الأمة. ومن باب قول الله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إن شاء الله نقرأ هذه المطوية لأخينا الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله تعالى. Il a écrit cette رسالة مختصرة. Ils l'ont imprimé en forme de brochure. التحذير من فتنة التصوير. حقيقة لنافع جدا. On l'a choisi نحن لأنها Il l'a écrit avec des mots simples. Elle est résumée. Ça, c'est une khulasa tayyiba fil mawdou'. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yahfad al mu'allif wa an yahfadana jami'an. Fa taswir dhawat al arwah. Bien sûr, al kalam l'an, on précise an fi taswir dhawat al arwah. Les choses qui ont une âme, l'être humain ou des animaux. Amma des arbres, ou واحد photographie la mer, ou le ciel, ou des montagnes. Hada la base. Tahdhir al-an wal ahadith qu'on va lire, c'est sur taswir dhawat al-arwah, les êtres humains et les animaux. Fat taswir, taswir dhawat al-arwah, c'est une ma'asiyah. Wa lil asaf, kathir min al-nas, ils ont une ghafla. كثير من الناس يزن غفلة عظيمة في هذا الباب. alors que vous allez voir les adillah ولله الحمد كثير منكم يكونس الادله في هذا الباب. c'est pas سهل. الوعيد il est شديد جدا. لكن كثير من الناس غفلة. غفلة كذلك هوى. فهذه الصور منتشرة في البيوت وفي الأسواق وفي اللوحات التجارية les panneaux publicitaires. قال كذلك في السلع أي كذلك للبرودوي، ربما un paquet de nourriture ou du shampoing ou savon, ta'lamoun annaha ces choses mali'a bis-suwar. C'est une fitna azima, azima jiddan. Wa lil asaf al-munkir laha qalid. Bal celui qui fait l'inkar al-an fi hadha az-zaman. هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن المنكر إذا غريب بعض الناس لا يفهمون بل بعض الناس ربما اللي كتلوك ده متشدد متشدد لماذا يديك الفوتو سي حرام لماذا يلفص أو يدشير سي فوتو لماذا ينكر هذا المنكر هذا سي الحقيقة التصوير سي مصيبة اللي كومبورتمون ده بعض الناس سي مصيبة كذلك. On a décidé de lire cette risale. Fala testouhish akhi min qillati saliki. La testouhish. La testouhish, tu te dis, mais tout le monde fait. Mais tout le monde a des images. Mais tout le monde a des photos dans son téléphone. Mais tout le monde. Abdel. Abdel. La testouhish min qillati saliki. Wa la taghtar bi kathratil halikin. La taghtar. Wallah, ils n'ont pas d'excuses. Sauf celui qui est ignorant. Ama wahid il sait et il s'entête, il n'a pas d'excuse. Anta la taghtar bihada. La taghtar. Tout le monde fait. Mais on ne peut plus, il y a des photos partout. Et jtahit, awwalan, comprends la mas'ala qu'on va lire en détail. Tu connais le hukm. Tout le monde, tu fais des efforts. Fattakullah mastata'atum. Tu fais des efforts, tu t'écartes tant que tu peux. An hadi al fitna. وعلم كذلك أن طريق الجنة محفوف بالمكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وعلم كذلك أن المؤمن في هذه الدنيا إلى مسجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن فنبدأ في القراءة في هذا المنشور في هذه المطوية سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الشيخ عبد الخالق الوصابي وفقه الله تعالى لكل خير الحمد لله القائل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي والصلاة والسلام على رسول الله القائل كل مصور في النار وعلى آله وصحبه أما بعد أما لأدلة كلاسيتي إن شاء الله ستأتي معنا. قال فإن المستمسك بدينه في هذه الأزمنة يعيش في غربة صحيح que ce soit مسألة des photos avec une âme ou autre المستمسك celui qui s'accroche à son دين الحقيقة il est في غربة دي مسألة أو دي مسائل simple عند السلف مثلا عند السلف ils avaient jamais de مناقشة في التصوير أو في الصور c'est haram كذلك des choses très simples معلومة عند أهل العلم تتخوف الآن عند الجهال سافي دي فتن عظيمة جدا عظيمة تو ساسي لكوس الجهل إلى موزنية كذلك كذلك بعض الناس زنبا التواضع تلومون في الافان يغسط شخصون قوم لهوى تو ساسي لكوس الهوى وكذلك اتباع الشبهات والشهوات سافي بارتي دي الهوى. قال فإن المستمسك بدينه في هذه الأزمنة يعيش في غربة مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Ce genre de hadith أنت ولله الحمد أخي الكريم أيها المسلم ce genre de hadith إن شاء الله ça te réconforte. Tu sais que ce dîne, il a commencé gharib. Aïe, ceux qui suivent ce dîne, au départ, ils étaient étrangers. Au milieu de leur qawm, ils étaient étrangers. Le prophète sallam et ses compagnons, au départ, à Mecca, ils étaient considérés comme des étrangers. Hatta, ils ont été contraints de sortir. Ils ont fait le hijra. Fi sabilillahi azza wa jal. Fama baluk ant. Ma baluk ant. Ne pense pas que tout le monde va t'écouter, que tout le monde va comprendre ces masa'il. Abadan. خاصة الآن يا كما قلنا ديال الهوى هي دي زانتيغ ايكونوميك انورم في بعض الناس سي سون ابيتوي يتعلمون ان شانجي لي زابيتود سي من اشد ما يكون خاصة سولوي كا ايمان ضعيف اي الى با دي احتساب سي تري دور دو شانجي سي زابيتود لكن أنت تتريكونفورت avec ce hadith قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء أي الجنة. أنت نصح montre كما قال عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم أي تمعذور tu montre معذرة t'excuser عند الله سبحانه وتعالى ولعلهم يتقون et t'espère أنهم ils font tawba et reviennent إلى الحق. Tu as deux choses, tu montres le haq لأنك تين مسؤولية tu sais فتمعذور عند الله t'as montré كذلك t'espère leur guider. هذا s'ils sont guidés alhamdulillah تشكر الله سبحانه وتعالى s'ils sont pas guidés فلست عليهم بمسيطر إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء. هذا tu montres Inch'Allah, t'es excusé et l'essentiel, c'est que tu rentres fil djenne. Et nous, on veut la guider pour les autres. Lakin akhtar al-nas la ya'lamou. Qala, wa idha kana Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi zaman al-tabi'in yaqul innakum lata'amalouna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min al-sha'ar inna kunna lana'udduha ala ahdi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. صحيح. Anas رضي الله عنه il démontre في زمن التابعين le prophète صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كذلك كثير من الصحابة تعلمون أن Anas تأخر. Anas il fait partie des derniers sahaba qui sont restés en vie رضي الله عنه. Il a connu beaucoup من التابعين. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عيونكم من الشعر. À cette époque il a dit vous faites des choses et cette génération qui est venue après les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, vous faites des choses, pour vous, ces choses c'est plus fin qu'un cheveu. Adaq fi a'yunikum min ash-sha'r. Thumma Anas leur a montré inna kunna lana'udduha ala ahdi nabi sallallahu alayhi sallam min al-mubiqat ay al-muhlikat. À l'époque du prophète sallallahu alayhi sallam, cette chose que vous faites pour vous, cette chose elle est aussi fine qu'un cheveu, pour nous à l'époque du prophète sallallahu alayhi sallam, c'était min al-muhlikat. Cette chose elle t'emmenait à ta perte. Quwwat iman. Ma anna ce zaman زمن التابعين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما بالك نحن الآن. Prends cet exemple des photos. Vous allez voir des ahadith الوعيد للشديد جدا من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله. Et vous comparez avec le comportement des gens par rapport aux photos. والله الآن cette معصية كبيرة من الكبائر كما سيأتي كأنها حلال زلال. C'est comme si c'était une chose halal. Certains gens prennent des photos comme ils boivent de l'eau. Al musiba hatta fi al masajid. Al musiba akthar hatta fi masjid al haram. Il est à côté de al Kaaba, il ne trouve rien d'autre que de prendre des photos ou de filmer. À l'époque de Sahaba radiyallahu anhum, la shak annahum ils ont connu ces hadith. Ils savent que c'est min al kaba'ir. Falimada nahnu on a ce dha'f. صلى الله العافية والسلام فين فتنة كبيرة. فلهذا طلبت العلم وبس با لبغى أبدا. montre à ta famille, montre à tes proches, montre à tes voisins, parle si tu peux في المسجد si t'as la قدرة et on démontre. Un il parle ici, un deuxième هنا, un troisième كذلك on propage des écrits, on propage des audios et inshallah c'est من الجهاد في سبيل الله. هذا وبس با لبغى أبدا. قال يعني المهلكات رواه البخاري فكيف بأزمنتنا هذه. هكذا يقول الشيخ حفظه الله. كيف بأزمنتنا هذه صحيح. أما نحن الآن يا انفتح عجيب محاربة الكفار كذلك العلم لقليل il y a un fossé entre le peuple et les savants كذلك beaucoup de شبهات كذلك les gens ils sont occupés. Il y a beaucoup de choses qui occupent les gens. Internet, le sport, toutes ces choses. Enfin, ça a fait un fossé entre les musulmans et le Coran ou le Sunna. Lakin, nous, on ne désespère pas et on essaye d'aïman de montrer. Ce fossé, nous, on essaye de montrer à ces musulmans, on essaye de faire un lien entre eux et le Kitab et le Sunna. Falihada, on ne se tait pas. Abatan. On montre, tant qu'on est à l'ilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham minna bi'ibadih. قال والمؤمن مطالب بترك الشبهات Ça c'est mouhim ce point qui cite l'un. Il y en a là chacun. Il y a des gens, ils auront des shubuhat, ou des doutes, ou dans certaines masaïdes, il y aura des khilaf, baina ahl al-ilm, qu'on va voir. Lakin, il te cite cette qaïda, cette règle. T'es un mu'min, t'es un muslim, tu veux le khayr, fa t'es mutalib bitark al-shubuhat. لماذا سلامة لدينه وبراءة لعرضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حسن غجل حسن غجل حديث الإمام النووي لا سيدي في الأربعين. لماذا؟ لأن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين, أصل من أصول هذا الدين. Comment ils ont fait les générations depuis Adam alayhi salam jusqu'à l'invention des photos il y a quelques années? On parle les nouveaux moyens, hein, appareils photo, vidéo, il a akhri. Comment ils ont fait sans ça? Ils ont réussi à vivre. C'est une fitna faqat. On a été éprouvé. Amma la shak al nashr il est akthar min al manfa'a. Si il y a une manfa'a, on s'écarte. Mais on verra que le mawdou il est clair. On verra que le mawdou il est clair. Les images c'est haram. Il n'y a aucune place inshallah pour le doute. Il reste un cas qu'on verra pour propager la da'wa. Ils peuvent avoir des doutes ou une shubha ou un khilaf, on verra. Amma autre c'est haram, c'est haram. Ils disent, il y a khilaf, Cheikh Foulan il a dit, tout le monde est. Il a des photos qui n'ont rien à voir avec la da'wa. Ou des vidéos qui n'ont rien à voir avec la da'wa. Si tu es sincère, écarte-toi du haram. Léana, tu es d'accord avec nous que c'est haram. Et le chose où il y a khilaf, étudie le sujet. Étudie le sujet, bien quoi l'ahl al-ilm. Et si tu étudies le sujet, tu reviens à qala Allah, qala Rasul. Pas il a l'hawa. Pas il a Foulan il a dit. Pas mais pourquoi? Tu sais mieux que Cheikh Foulan. Ça, c'est un kalam faible. C'est un kalam faible. Si tu dis hada, maintenant on te répond et tu connais mieux que Cheikh Foulan qui a interdit. Là. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Tu veux le khayr et tu veux الراجح, tu reviens إلى الكتاب والسنة. قال, il va commencer le premier bab, il va citer أدلة التحريم. أولا, c'est quoi le délil أن les images photo ou qu'il y a une âme, être humain, animaux, c'est haram. C'est quoi le délit? Il cite plusieurs. Et il démontre, habidahullah, en cette mas'ala, cette chose, cette fitna qui a répondu les photos, c'est min al-kaba'ir. C'est même pas haram faqat, c'est même pas un dhamm faqat. Là, c'est une kabira. Ça fait partie des grands péchés. Awalan, il définit les grands péchés, qal wal kabira. Hiya, kullu dhambin, khatamahu Allah ta'ala bin nar. أو بنار, نعم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد في الدنيا. انتهى من شرح مسلم. وهذا الضابط ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. إلى دي مدخل الكبيرة c'est une chose que Allah سبحانه وتعالى il a interdit et il a cité en conséquence de cet interdit إما l'entrée في النار إما غضب إما لعنة إما عذاب أو حد في الدنيا. مثلا دخول النار, مثلا celui qui fait telle chose il rentre في النار. مثلا في الصور on va voir كل المصورين في النار. Ça prouve que c'est une kabira. لماذا؟ لأن ce péché il implique الدخول في النار. أي tu risques de rentrer في النار أيها المسلم si tu fais cette معصية. اللعنة معروف, مثلا لعن الله المصورين. عذاب, ça ressemble à النار. غضب, مثلا celui qui fait telle chose Allah subhanahu wa ta'ala يغضب عليه. كذلك أحد في الدنيا, مثلا le voleur il se fait couper la main, celui qui fait zina il se fait lapider ou fouetter. Tout ça ça montre que c'est des كبائر. لماذا؟ لأن il y a حد. هذا الضابط اللي مهم, هذا الضابط اللي مهم ذكره الإمام النووي. الآن on lit les أدلة في التصوير et on regarde est-ce que ça fait partie de le كبائر أم لا. بدون هوا. Putain, mais pourquoi les gens ils font? Mais pourquoi Cheikh Foulen ils l'ont photographié? Putain, hada. T'as des dawab et t'as des adillah et t'as la compréhension des salaf. Et tu t'aides des savants. Et tu verras que le qawl as-sahih as-sawab il est wadih. خمي دليل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه. إن أشد الناس أي parmi les gens qui auront le plus grand adab عند الله يوم القيامة المصورون. المصورون c'est celui qui fait des soirs. Celui qui fait des soirs. Et vous remarquez que كلام النبي صلى الله عليه وسلم il est عام. مصور. On va voir que ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être, il sauve, maintenant, avec sa main, maintenant, il dessine un être humain. Ça peut être, maintenant, il fabrique une statue. Ça peut être avec les nouveaux moyens, hein, caméra, appareil photo. Il y en a quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe tout ça. Celui qui dit l'inverse, fait alayhi bid dalil, wala dalil. Deuxième hadith, an Abi Juhayfa, radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور رواه البخاري. premier حديث أنه il fait partie des gens les plus châtiés. deuxième حديث il est ملعون. من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن سيطرد من رحمة الله. ما داخل كريم tu prends ces risques. لماذا؟ si tu connais la définition de لعن أي الله سبحانه وتعالى il te fait pas miséricorde. هذا اللعن أي entre toi et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'es écarté. Falimala. Pour une surah. Pour une surah, il n'y a aucune faïda. Qala. Troisième hadith. An ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. Annahu atahu rajulun faqal ya Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, c'est la kunya d'Ibn Abbas. Inni insanun innama ma'ishati. Cet homme, il est venu voir Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et il a un ishkal, il a une question. Il demande à Ibn Abbas, je suis un homme, mes revenus, c'est par l'intermédiaire de mon travail, il travaille avec ses mains. Qala, wa inni asna' hadhihi at-tasawir. Il demande à Ibn Abbas, hein? Il dit, mon travail, je fais des représentations. À l'époque d'Ibn Abbas. Faqala Ibn Abbas, لا أحدثك إلا بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Regardez, وتأملوا le comportement des Sahaba, les élèves du prophète صلى الله عليه وسلم, comment ils ont été éduqués. Est-ce qu'Ibn Abbas va lui dire, mais est-ce que tu as vraiment besoin? Tout le monde fait, il a eu de la pitié et des sentiments. Abedan. Abedan, ils ont été éduqués à revenir à Sunnat Nabi صلى الله عليه وسلم. فلهذا il lui a dit, لا أحدثك إلا. Alors je ne peux rien te dire sauf ce que j'ai entendu de Nabi صلى الله عليه وسلم. C'est ça qu'on veut, nous. Tu parles directement, il te dit, mais Cheikh Foulan il passe à la télé. Nous, on lui dit, et après. Nous, on t'a pas dit Cheikh Foulan il passe par la télé. C'est pas ça la mas'ala. La mas'ala, c'est de savoir le délit, et toi, moi et le Cheikh, on doit revenir au délit. Peut-être. Thumma, quand tu le montres, il te dit, mais tu sais mieux que le Cheikh. C'est pas kalam ilmi, abadan. Abadan. Wallahi, même le shir qui passe à la télé, il t'entendrait dire hadal kalam, yunkir alayk. Là. Léna, on te répond, et ceux qui interdisent, tu connais mieux que anta? Là, c'est pas ça le hal. Le hal, c'est comme il a fait Ibn Abbas. Qal Ibn Abbas, la uhadithuk illa bima sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Thumma il cite le hadith. Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sawwara suratan, fa inna allaha mu'adzibuhu hatta yinfakh. اسمع الكلام حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا يوم القيامة من عذابه أن الله سبحانه وتعالى il ordonne à cet être humain, cet homme ou cette femme de insuffler l'âme dans cette représentation qu'il faisait. مثلا il a représenté مثلا un oiseau. مثلا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى lui ordonne d'insuffler l'âme. Il ne pourra pas l'insuffler. Abedan. Celui qui insuffle l'âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fait Allah subhanahu wa ta'ala, il le châtie. Tant qu'il n'insuffle pas l'âme, et il ne peut pas insuffler l'âme. Fait ta'ammal. Ta'ammal. Al hadith, il est sahih. Qala farubba rajulin. Ou qala faraba ar rajul. Rabwatan shadida. Wa asfara wajhu. Ça montre que le rajul, il était à la khayr. Dès qu'il a entendu ça, le rajul, il s'est mis à trembler. Et son visage, il a changé de couleur. Aïe, il est devenu jaune. Il a l'iman. C'est un homme, il était sincère, il voulait le haqq. Et ça montre أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر في المؤمن. فأخي الكريم, quand on te montre, quand t'es conseillé, ne rejette pas, c'est pas في مصلحتك. والله, celui qui te conseille, il veut pas que tu sois châtié. أما نحن, que tu prennes des photos, أم لا, في الحقيقة, ça ne change pas grand chose. لكن, on veut ton bien. والله, quand on dit aux muslimines, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, nos proches, nos voisins, aux muslimines, عموماً, quand on les met en garde contre les photos, c'est إلا من أجل هذا. Wallah, tant que tu ne me photographies pas moi, il n'y a pas un dhar sur moi directement. Robama, tu prends des photos, on n'est même pas au courant. Lakin, on veut ton bien, Akhil Karim. Et si toi tu veux ton bien, Inch'Allah, comporte-toi comme Hadar Rajul. Hadar Rajul, il a été touché. Faqala Wayhak. Ibn Abbas, il lui a dit Wayhak. Malgré que l'homme, il a été touché, là, il a accepté. Ibn Abbas, il lui rappelle Wayhak. Il fait attention. قال إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر كل شيء ليس فيه روح بهذا الشجر أي كل شيء ليس فيه روح متفق عليه حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ابن عباس et ça c'est ça montre sa hikma. Il lui a démontré là, si vraiment t'as besoin et si vraiment t'es attiré par cette chose, بعض الناس يزعم هذه الأمور أو il a un besoin, ابن عباس lui a montré le hal, fais des représentations sans âme. Un arbre, le ciel, la mer, des plantes. La personne ne passe pas son temps vers ça. Tu es un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka li ibadatih. Ne perds pas ton temps avec ça. Et si c'est la bout, écarte-toi du haram. Aqal shay hada, tu t'écartes du haram. Tous ces hadiths là, ils montrent que le taswir c'est min al-kaba'ir am la. La shak wa la ray. Premier hadith. C'est une des catégories de personnes qui aura le plus grand châtiment. Deuxième hadith, il est maudit. Mal'oun. Et l'an, c'est at-tard, ou l'ibad, min rahmatillah. Il est éloigné de la miséricorde d'Allah. Troisième hadith, annahu yom qiyama, il est ordonné d'insouffler l'âme, il ne peut pas insouffler l'âme, il est châtié. Alors, chaque semaine, il y a le kaba'ir. Min kaba'ir ad-dunoub at-taswir. Ne sois pas fi ghafla, akhi al-karim. Ne sois pas fi ghafla. Fanyan. علة تحريم تصوير ذوات الأرواح السباب المهم قد يقول قائل بخوة أولا نحن بخصيص أن سيء حكم من الله أو من الرسول فلا بد من الاستسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره تبالشوا أولا الله سبحانه وتعالى إلى أغدني أو إلى أنتغدي لفتو لبخوفت كذلك تتسمت مسلم. Et le musulman, c'est celui qui se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui suit son prophète, alayhi salatu wa sallam. En tant qu'un musulman, soumets-toi. Lakin, c'est important de connaître l'illah. C'est important, les anabad al-nas, ils ont une shubha, ils prennent une photo, maintenant, et ils disent, mais moi, cette photo, je ne l'adore pas. Ou, ils disent, maintenant, mais moi, je prends une photo, ce n'est pas une statue. C'est pas une statue, il n'y a aucun risque. Min hada al-kalam. Vous allez voir que si tu connais l'illah al-tahrim, et les causes, tu pourras répondre à ces shubuhat. Première illa, première cause. Annaha tashabbuh bil kuffar. Enfin, le fait de prendre cette photo, c'est une ressemblance au kuffar. Même si tu n'as pas l'intention de l'adorer. Mais celui qui a l'intention de l'adorer, ou l'ayyadu billah, ou qui l'adore, c'est un mushrik. Ça montre que mujarrad, le fait de photographier, c'est une ressemblance au kuffar. Wa man tashabbaha bi qawmin, fa huwa minhum. Wa qala azza wa jalla, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fa tamassakum an-nar. Ah, t'as pas le droit de ressembler à Haoula. En t'as un musulman. T'as un exemple. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. J'en ai pas de chabab Haoula. Haoula, ils nous détestent. Ils nous combattent l'ayn nahar. Ils font tout pour nous humilier. Ils font tout pour nous rabaisser. Tu trouves l'un al-muslimin, il essaie de lui ressembler. Qala. An Aisha radiyallahu anha. Qala. Lama ashtaka al-Nabiyyu sallallahu alayhi wassalam. Aïe. مرض موته عليه الصلاة والسلام. Il était tombé malade et cette maladie elle a causé sa mort عليه الصلاة والسلام. قال ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة الهجرة la première هجرة qu'ils ont fait في الحبشة. Ils ont vu cette كنيسة une église. À la période où le prophète sallam il est tombé malade, Thomas il est mort, alayhi salatu wassalam. Om Habiba, وأم سلمة ils ont informé النبي صلى الله عليه وسلم. Cette canissa, qu'est-ce qu'elles ont dit? فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال. Elles ont informé que cette église, comme ils l'ont embellie, كذلك il y avait des représentations, تصاوير, des images d'êtres humains, animaux, إلى آخره. قال فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال. النبي صلى الله عليه وسلم il a levé sa tête et il a dit أولئكي إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك الشرار الخلق عند الله متفق عليه. هؤلاء الكفار quand un homme pieux mourait ils construisaient sur sa tombe et ils représentaient avec des images. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم أولئك شرار الخلق عند الله. C'est les pires des créatures عند الله. ما تتشبه بهؤلاء. Quel خير et quelle فائدة الآن dans ce fi'al. النبي صلى الله عليه وسلم ils l'ont informé حكم على هذا الفعل بما سمع. Et أنت يا مسلم تم le prophète صلى الله عليه وسلم. فلماذا t'écarter de هذا avec des شبهات qui sont aussi fragiles qu'une toile d'araignée. لماذا? Deuxième cause, donc première cause, c'est une ressemblance au kuffar. Deuxième cause, قال أنها مضاها لخلق الله. Deuxième cause, أنها مضاها لخلق الله. قال والمضاها المشابهة من أسماء الله سبحانه وتعالى المصور من أفعال الله سبحانه وتعالى التصوير. C'est Allah سبحانه وتعالى qui donne forme. C'est Allah سبحانه وتعالى qui crée. Le fait de prendre des images, c'est مضاها لخلق الله. C'est une ressemblance في هذه المسألة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة الانفر elle était chez elle. النبي صلى الله عليه وسلم il وأنا أي عائشة قالت وأنا مستترة بقرام فيه صورة. نعم elle a couvert quelque chose, une fenêtre ou autre, avec un sitar, avec un rideau, et ce rideau, il y avait une sourate, il y avait une image, une représentation. قالت فتلون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم, son visage, il a changé, à cause de la colère. قالت ثم تناول الستر فهتك. أولا, il a tiré, il a arraché le sitr et il l'a enlevé, عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'on peut qualifier ce fi'l de tashaddud? نعوذ بالله. Ça c'est sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça c'est une rahma. Une rahma pour Aïcha et pour l'Ummah. Lakin, nunabbih, un abad al-Ikhwan, il peut entendre ça. Tout le monde, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et il arrache les images. Là, nunabbih, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rabbul Bayt, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, elle va l'écouter, la chèk. Amma anta, t'es vidaf. Tes parents, Obama, ils sont contre toi. Tes frères et sœurs, ils sont contre toi. N'emploie pas la force. La yukalifullahu nafsan la wus'aha. Montre. Si t'es chez toi, na'am. C'est toi, Rabbul Bayt. T'es chez toi. Et ta femme, ou tes enfants, ils ont mis hada, na'am. Tu peux employer la force. Yanna t'es fi baytik. Yatalan, tu rentres, ton fils, il a une image. Tu la prends, tu la déchires. Et tu lui montres. Tamam. Amma, tes parents ou autres, ou un endroit, c'est pas le tien, un magasin, ou tu commences à déchirer, là. C'est pas min al-hikmah. Ça peut engendrer un char a'zam. Et la photo, ils la remettent. Et t'as rien gagné. Là. Si tu sens qu'il y a une fa'ida, khasatan, si t'es chez toi, tamam. Si t'as peur d'un darar a'zam, montre. Ne te tais pas, montre. Maintenant, chez tes parents, montre. Ya abi, ya ummi, et tu montres. Tu leur cites ces hadiths. Et inshallah, si la da'wah est faite avec un bon comportement et avec ilm, les muslimouns, aktaruhum, ils acceptent. Même si ce n'est pas directement, Inch'Allah avec le temps. Hada c'est un tanbih. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir arraché ce rideau, qala inna min ashadda al-nas adaban yawm al-qiyamah alladhina yushabbihuna bi khalqillah. Naam, nana c'est une chose qui est khassa billah. Falimada anta tu veux faire cette chose? Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hakama inna min ashadda al-nas adaban. Parmi les gens qui sont le plus châtiés, ceux qui essayent de ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce fi'l, na'oudu billah. Qala muttafaqun alayh. Troisième illa, donc deuxième illa, deuxième cause, c'est une ressemblance. C'est une ressemblance au fi'l d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième cause, أن الملائكة لا تدخل البيت الذي يوجد فيه تصاوير. Troisième cause, الملائكة elle rentre pas dans une maison, dans un endroit, dans une pièce où il y a des images. On précise avec des âmes. قال عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. Et dans une rivaya, فيه كلب أو صورة. Est-ce que Sulaf al-An, il englobe toutes les il englobe toutes les images? La tadkhul al-malaika baytan fihi sura. Sura nakira fi siyaq an-nahy yufid al-umum 'inda ahli al-'ilm. Sulaf sura il est nakira. Et siyaq al-hadith c'est nafi, ay la tadkhul al-malaika. Le mot sura photo image, il est nakira. En langue arabe, ay indéfini. Al-ulama ils ont une règle. أن un mot indéfini si la formulation de la phrase c'est un nafi, أي la négation, ça implique العموم, أي c'est une généralité, ça englobe toutes les images. Cette قاعدة معروفة عند العلماء. فلماذا أخي الكريم t'es la cause que le malaïka rentre pas chez toi, لماذا? Ça englobe la télévision, ça englobe les images dans le téléphone, ça englobe les images qui sont accrochées, souvenirs, amla, ça englobe les albums photo كذلك. هذا سانغلوب كل فوتو سوا أبارنتو كشي لأن الرواية الثانية التي فيها الكلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة رواية أن الكلب اللي تكشي عن صدولي النبي صلى الله عليه وسلم quand il a demandé à Jibril مرة Jibril il est venu et il est pas rentré في البيت il est parti il a demandé à Jibril et à Jibril لماذا tu rentres pas Jibril lui a dit dans le بيت il y a un كلب. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a cherché, il a trouvé Kalb Sarir en dessous du Sarir. C'était Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhuma, ils étaient enfants, ils étaient petits, ils jouaient avec ce Kalb. Et ils l'ont fait rentrer. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas vu. Ça te montre, même si la photo elle est cachée, le malak il ne rentre pas. Et là, c'est une ma'asiyah. Ma balouk ou ahad, il achète de l'alcool, maintenant il le cache chez lui. Il joue là. Là, il joue. Al-ma'asiyah, ça ne se cache pas. Al-ma'asiyah, tunkar, wa tub'ad. Voilà. La solution c'est déchirer, brûler. C'est ça. Celui qui veut, Inch'Allah, s'écarter du char. Inch'Allah, on détaillera akthar par rapport à An-Nahadi l'Alfaz, Surah, ça englobe toutes les Surahs. Donc, on récapitule les trois causes. C'est une ressemblance au kuffar, Mudaha li khalqillah, et le malaïka la tatroum. Malaïka, il ne rentre pas. Ces trois causes, le musulman qui veut le khayr, il s'écarte. Il ne veut pas ressembler au kuffar. Il ne veut pas tomber vers le wa'id. Et كذلك, il veut que le malaïka t'entre dans le bayt. لأن الآن on fait un autre tambih. أن si le malaïka ne rentre pas dans le bayt, c'est qui va rentrer? C'est le shayatin. ثم les maladies. ثم les wasawis. ثم les problèmes. ثم les fitan dans le bayt. هذا il tombe malade. هذا il parle sur هذا. الشر. تعلمون أن الشر il emmène du الشر. أما بيت إن شاء الله الملائكة فيه البيت فيه يا ذكر يا أخلاق توحيد علم إن شاء الله يصنف في سعادة. نحن نجيبون كثير من الناس يسألون هذه السؤال. Ma soeur elle est malade, mon frère il est malade, Fulan il a des wasawis, j'ai des problèmes avec ma femme. Écartez-vous de ma ansi. Commence par enlever les photos qu'il y a chez toi. Inch'Allah tu auras fait un pas. Thomas tu règles les choses habba habba. Thalithan, troisième chapitre. التحريم عام لجميع الصور وإن لم يكن لها ظل لأن يا خلاف بين أهل العلم. Certains savants ils ont différencié les photos qui ont ظل, une ombre, مثلا une statue et autre, les photos qui n'ont pas d'ombre. Ils ont fait cette différence. الشيخ il nous montre أن التحريم il est عام. Celui qui différencie doit nous emmener un délit, il doit nous apporter un délit, c'est un délit. وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم il est عام. On va détailler هذا. أولا يسيت حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت quand ils sont rentrés في مكة فتح مكة ils sont rentrés في مسجد الحرام ثم ils sont rentrés في الكعبة البيت قال لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت رواه البخاري. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rentré. Il a ordonné à certains compagnons de rentrer, d'effacer les images. Ça montre que ça englobe les images, même s'il n'y a pas de l'ombre. Est-ce que cette image-là, elle faisait de l'ombre? Là, elle était représentée sur le mur. الحديث اللي في البخاري. دوزم حديث عن أبي الهياج الأسدي قال قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. والمجسمة لا تمحى ولا تطمس بل تكسر. زاريكم خلي ماذا الآن لا ستة أدلة. بخومي حديث محيت. دوزم حديث طمست. Et ça c'est معروف. Elle s'est essuyée, effacée. Maintenant, tu as une représentation sur un mur. Ce n'est pas en forme d'une statue, elle ne fait pas d'ombre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de détruire, d'effacer cette chose. Al-Imad a dit, les photos, c'est simplement les photos où il y a une ombre, à une statue. Abatan. Abatan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son qawl, il est am, et son fi'l, ou son ordre qu'il a donné à sahaba, kadalik, il est am. Il englobe toutes les catégories de photos. Al-Imad a restreint à cette catégorie l'ombre. Ça, il n'y a aucun délit à la hada. قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا أي الشافعية وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان quand ils disent الحيوان أي une chose qui a une vie ça vient de الحياة nous on emploie souvent حيوان les animaux لكن الحيوان c'est عام tout ce qui a une vie ça englobe être humain et animal هنا. قال تصوير صورة الحيوان أي avec une âme حرام شديد التحريم وهو من الكبائر. T'as un nas min iman, il montre que c'est min al-kabair. Et les adillah et la règle qu'on a donnée, on a compris هذا. قال لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. تقدم حديث ابن مسعود, حديث أبي جحيفة, حديث ابن عباس, حديث عائشة. قال فصنعته أي لفت de prendre des photos, de faire des images. حرام بكل حال لأن فيه مضاهة لخلق الله تعالى. نعم, il y a une ressemblance. C'est Allah le Khalik, c'est Allah le Moussawir. Tu n'as pas le droit de faire ce fi'l. قال وأما تصوير سورة الشجر أو قبل ذلك قال وسواء ما كان في ثوب أو درهم أو دينار أو بساط أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. Il te montre que ça soit comme on dit نحن الآن en 3D ou que ça soit maintenant en forme de statuette, ou statue, ou ça soit sur un tissu, ou sur un mur, ou les photos qu'on a l'an, c'est pareil. Le hukm, il est واحد. لماذا لأن العلة c'est la même. تشبه بالكفار, مضاهة لخلق الله, الملائكة لا تدخل, فلماذا restreindre à ce nom? لماذا بأي دليل? قال, وأما تصوير سورة الشجر, ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. نعم. Un arbre, le ciel, la mer, les montagnes, tout ça, c'est pas haram. قال ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Ils ont fait aucune différence. Les représentations qui ont une ombre ou qui n'ont pas d'ombre. Celui qui fait la différence, فعليه بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان يتقي الله. لا يرجم بالكلام كذا. لأن الكلام il est répandu. بعض الناس يرجم. Il dit كذا. Il dit non, mais il y a une différence entre. Ya أخي, si tu as cité cette différence, cite-nous le دليل. أما tu cites cette différence pour te permettre des choses, voilà, il y a 12. Là, il y a 12. نحن بالحقيقة صدعف كي حاصل أن المراقبة لقليلة مراقبة الله سبحانه وتعالى. Pense à ce hadith أن يوم القيامة insuffle l'âme dans cette représentation que tu as fait. Pense à هذه الأمور. Pense que tu auras des comptes à rendre. المسألة elle est pas سهلة. المسألة c'est جنة أو نار. Fais attention أخي الكريم. قال الإمام النووي بعد ذلك قال وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل. الحق سب الكتاب والسنة سبا بقول فلان من الأئمة ولو سيسان إمام ولو الإمام النووي لا مدخل مذهب الباطل. لماذا؟ لأنه contredit des أدلة. نحن الآن on se pose la question est-ce que cet imam ou ces imams qu'on dit ce qu'on ils ont fait la différence entre les représentations qui ont une ombre ou qui n'ont pas d'ombre, est-ce qu'ils sont ma'soumine? Ah ben ijma' al-ulama annahum ils peuvent se tromper et ça fait partie de leurs erreurs. Si on demande un dalil ala hada, il n'y a pas de dalil. Ah ben قال فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل الصور. استدلال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم quand الآن il a arraché ce rideau عند عائشة لا شك la représentation elle est sur le rideau, il y a pas d'ombre أبدا. فلهذا قال لا يشك أحد, personne a de doute qu'il n'y a pas d'ombre. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a enlevé, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمطخ الوعيد إلا أنه سحرم. فصا الآن الفاصل بيننا وبين المخالف في سجود حديث c'est pas فلان أو يسون بوكو أو لا أبدا. كان حديث si le hadith il a pu ton قول تعالى صواب, si le hadith il a pu pas ton قول c'est un خطأ. هذا انتهى من شرح مسلم للإمام النووي. نقرأ كلاما للشيخ فوزان, كلام قوي لأن نحن الآن لبوكو كونفي. كذلك بعض الناس يديفرنسي يديز لي فيديو سا رونت با في هذا. أولا on lui demande le dalil. نحن on est tous d'accord que la vidéo c'est une image. Si on demande est-ce que c'est une image que tu regardes, c'est des images, non, la vidéo ça fait partie des images. Ben on a trouvé un kalam al-kuffar qu'ils ont inventé ces choses, ils définissent c'est quoi une vidéo. Isma, parmi les définitions d'une vidéo, et on a trouvé plusieurs kalams, da'iman ça revient à la même chose. Qad, une vidéo, c'est une succession d'images à une certaine cadence. Falimada, tu dis que la vidéo ça rentre pas fil wa'id. Lui-même il a inventé la vidéo et il te montre la vidéo, c'est une succession d'images. Ben la vidéo c'est achar, c'est pas une image, c'est plusieurs. Amanta, une image c'est haram, ma balou plusieurs. Qad, une vidéo est une succession d'images à une certaine cadence. L'œil humain a comme caractéristique d'être capable de distinguer environ 20 images par seconde. 20 images par seconde, l'être humain, tu vas voir un tas qui a une succession d'images. Une image après une image, tu vois que c'est un montage. Ainsi, en affichant plus de 20 images par seconde, il est possible de tromper l'œil et de lui faire croire à une image animée, ce qu'on appelle la vidéo. La succession d'images, ça te fait croire qu'il y a un mouvement. Enfin, la vidéo, c'est un appareil, il te prend plusieurs photos en une seconde, Thomas, t'as un cycle, ce qu'on appelle la vidéo, et un tas, tu vois cette vidéo, cet être humain qui parle, qui bouge, qui... Il a akhir. On finit son kalam. On caractérise la fluidité d'une vidéo par le nombre d'images par seconde. Non. Il y a une différence entre les premières vidéos et les vidéos de maintenant. Les vidéos de maintenant, c'est fluide. Il y en a, ils ont compris le système. Tant de photos par seconde, tu vois plus un tas la succession d'images. Tu vois cette vidéo. Est-ce que la vidéo, ça rentre? On a le délit, il est un. On a ceux qui ont inventé, ils te montrent que la vidéo, c'est une succession d'images. Qui c'est qui t'a permis, Akhil Karim, de faire cette différence? Qui c'est? Voilà, ahad. Voilà, tartar. Bikalam, qui n'est pas fondé sur délit. Abedan. Si c'est un savant de la sunna, Inch'Allah, il est mouchtahid, il est ma'jour. Lakin, c'est une erreur. Et on n'a pas le droit de suivre l'erreur. قال الشيخ الفوزان حفظه الله نلخص الكلام إليه طويل لكن فيه فوائد. قال هذا الحديث أيضا فيه وعيد شديد لحديث كل مصور في النار. فقوله كل مصور هذا يشمل جميع أنواع التصوير. لماذا؟ لأن كل من الفاظ عموم, كل أي توت les représentations, ou ceux qui font ces représentations, ils sont finnar. Kul le moussawir. Il n'a pas dit moussawir, une représentation à la de l'ombre. Ou ceux qui font des statues faqat. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kul. Celui qui dit que cette image, elle ne rentre pas dans ce hadith, alayhi bid dalil. Il a contredit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et contredire Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ça. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Fais attention à ton dîn, akhil karim. قال شيخ الفوزان كل مصور هذا يشمل جميع انواع التصوير سواء كان نحتا او تمثالا وهو ما يسمونه مجسما. نعم, مجسم c'est en forme de statue, c'est en forme de statue en 3D, que ce soit les photos qu'on a là, sur un tissu ou les images, les photos ma'arou. Cheikh Fawzan lui montre qu'il n'y a aucune différence. Qala aw kana rasman ala waraq ila akhirih. Qala li anna min fi'l dhalik man fa'ala dhalik yusamma musawwiran. Sahih. Quand on dit wahid il filme, il prend une photo, on appelle ça en arabe, c'est traduit c'est musawwir. Est-ce qu'il rentre dans le hadith? Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كل مصور في النار. مساله des savants on va pas la détailler. On a déjà fait, on a déjà répondu à ce ishkal dans un dars. Inch'Allah, on le propagera. Que ce soit un savant ou un mla, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré « Kullu musawwir fi nar ». Même si tu vois un savant, qui c'est qui t'a permis ? Là, il joue. Là, il joue. « Abadan ». « Khassatan anna ba'd l'ulama ankaru ». Fait le mas'ala li khilaviyya, tu reviens « Qawl sawab ». « Wa la yamfa'a » « Cheikh Foulan, il passe à la télé. »« La yamfa'a hada ». Lui, il est ma'jour. « Bi'idni la azza wa jal ». C'est un mujtahid. Il veut le khayr. « Anta, kadhalik, te ma'mour bittiba' al-haq. » Qala, fama dam. أن عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد شيخ فوزان يبوز une question الآن on sait الآن on est tous d'accord que c'est du تصوير فسي quoi qui le fait sortir de ce عموم de cette généralité qui s'est dit dans le hadith قال وقوله صورة صورها تقدم معنا في الحديث هذا عام حديث ابن عباس أي chaque photo qu'il a fait يوم القيامة il lui est ordonné d'insuffler l'âme et il ne pourra pas insuffler l'âme tout mal il est châtié في الحديث صورة إلى نكرة يفيد العموم إلى اندفيني سأنغلوب توت لي زيماج قال الشيخ الفوزان هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم تمام الشيخ الفوزان لأن خبرة يموخ أن صاحب الآلة إلي بلو غابيد فقط مثلا لا فيديو سينا باغي سغابيد Il prend cette photo, une autre, plusieurs photos par seconde, ça te donne la vidéo. Ah oh, les appareils photo qu'on a dans les téléphones. Tu prends un appareil photo, cette photo, Moubachara, elle est dans ton téléphone. Est-ce que c'est une photo, Na'an ? Ça rentre dans le wa'id. Qui c'est qui t'a autorisé ? Personne. Al-Nabi sallam, il t'a interdit. Qala, ma qala, ghaïd ma yakuna na sahib al-ala asra amalan min alladhi yarsum, wa illa natija wahida. Bel, wallah, c'est plus grave. Cette photo, elle représente le chasse comment il est, et c'est une fitna. C'est une fitna. Si c'est un khas, si c'est un salih, si c'est un savant, c'est une fitna. Si c'est un homme, c'est une fitna pour la femme. Si c'est une femme, c'est une fitna pour le rajul. Est-ce que, maintenant, ceux qui font les différences, maintenant, on aurait pu rajouter kada, et on le rajoute l'an, c'est une fitna. La femme, elle n'a pas le droit de voir l'homme. L'homme, il n'a pas le droit de voir la femme. Les photos, ça a ouvert ce bab. Al-An, est-ce qu'un homme, s'il voit une femme, dans une vidéo, est-ce que c'est une fitna ? Non. Akada, allez, qu'on rajoute ça. C'est une fitna, c'est une fitna. Qadiakul qa'il, mais on peut répondre à ce point. Moi, je regarde les savants. C'est ce que tu crois. Aujourd'hui, tu regardes les savants. Demain, Allah alam, qu'est-ce que tu vas regarder ? Fattaqillah minafsik. Qala, kullun min ha'ula qazduhu ijad surah. فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة نعم ثم يموت أن يا أكون ديفيرنس يا أكون ديفيرنس سين صورة سين صورة سأقوم بالدليل قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ما هو الدليل أي لماذا تفرق on répète le كلام du début قال شيخ البوزان لماذا تفرق بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار أي لماذا تدي Cette photo elle est permise, cette photo elle n'est pas interdite. Alors cette photo elle est interdite et cette photo elle est permise. Limata tawarruq. An-Nabi sallam dit kullu musawwir fi an-nar. Qala Cheikh Fawzan ma huwa ad-dalil? Qala Cheikh Fawzan illa falsafa ya'tuna biha. C'est de la falsafa. Sahih, c'est comme ilm kalam, c'est ça ceux qui s'écartent beaucoup sur le sujet, ça va ressembler à de la falsafa. Ça va ressembler à de la philosophie. Les nas c'est pas appuyé sur le dalil. On répète anna بعض العلماء qui ont dit ce kalam, ils sont mujtahidoun. لكن بعض الناس c'est هوا et c'est فلسفة والله ils ont pas حول العالم كديسة وحول العلم فقط il veut une رخصة فقط il veut une رخصة c'est un صاحب هوا et il veut une facilité et pour prouver son égarement Cheikh Foulan il a dit لا ينفع عند الله يوم القيامة tu seras interrogé هل سينفعك Cheikh Foulan il a dit أبدا قال Cheikh الفوزان بعد ذلك قال ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله سين غاقل في الأصول أصول الفقه لا في سيد غاقل قد حديث عامة si tu veux spécifier ce hadith tu es obligé d'avoir كلام الله أو كلام الرسول أما toi tu spécifies un hadith ou un verset on ouvre un باب ضلال مثلا الله سبحانه وتعالى il a interdit الخمر صح بالإجماع سأنتقدي الكل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتقدي. ما بالك واحد يدي من صف cette marque. لا أبغى أبدأ كلامه. فكي سيقدر يتوقع الآن de dire sauf cette photo. أو sauf si les savants y passent. Même. Tu es obligé d'avoir un kalam, un délil, min al Qur'an ou min al Sunna. On répète kalam Cheikh Fawzan. Wa ma'loum anna kalam Allah wa kalam Rasoulihi la yajouz. Sallallahu alayhi wa sallam, la yajouz. An yukhassas illa bi délil min kalam Allah ou kalam Rasoulihi. Qal la bi ijtihadat al bashar. Lianna Cheikh Fawzan, il sait très bien qu'il y a un khilaf. Il te montre, al bashar, un savant ou autre, il a son ijtihad. Est-ce qu'il peut khassas un délil? Abad délil. Qal. وتخرسات البشر وفلسفات البشر هذا مردود على صاحبه هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أصول الفقه كذلك أن العام لا يخصص إلا بدليل هذا سيكونكري ستغي الآن لا بليك سيسا العلم سلوك بالعلم سلوك بالسكحت دي شبه إلا العلم عالم من علماء الأمة شيخ الفوزان يتسيت avec un كلام سهل بسيط نافع يتمنط أن التخصيص إلا بدليل. Un délil qui nous montre qu'une photo elle est permise d'âme, d'être humain ou animal. Un délil. On demande un délil. Sahih. Tu ne trouveras pas. Tous les adénas montrent le mana. Fali mada tu dis c'est permis. Fattakillah, akhi. La masala elle est azima. Elle est azima jiddan. Comment Cheikh Fawzan? Il détaille, on lit la fin de son kalam. Qala kullu hadha al kalam fariq. La qimata la. C'est ce qui différencie. قال عند أهل العلم وعند الأصوليين القواعد الأصولية تأبى هذا كله صحيح أي de faire sortir de cette généralité une exception sans délit ça c'est مرفوض قال وهم يعرفون هذا صحيح يعرفون كثير من الناس ils s'appuient à Cheikh Fulan il a dit et il sait très bien qu'il n'y a pas de délit. On répète le savant de la sunna inshallah son qasd il est hasan et c'est un mujtahid. Et il est majeur, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma les gens qui vont informer l'an, Cheikh al-Fawzan, ils vont informer une catégorie de personnes. Wallah, ils ne sont pas hawl al-ilm. Qala Cheikh al-Fawzan, wa hum ya'rifuna hada, walakin subhanallah, al-hawa wal-mughalata, ahyanan yadhaban bi sahibihima madhaban ba'ida. Fais attention, akhil karim min al-hawa. Fais attention, wallah, ça peut te pousser très très loin. T'ouvres les portes avec les photos, t'ouvres les portes avec une deuxième chose, hatta tu t'égares. Tu t'égares tamamen. قال الشيخ البوزان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويأتي فلان ويقول لا المصور بالفوتوغرافي ليس في النار أي الفوتو avec les nouveaux appareils avec la webcam avec صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار هو يقول لا لا لا c'est la webcam c'est كلام فارغ webcam c'est quoi c'est une photo أخي الكريم فاتق الله قال ما هو دليلك يا مسكين هذا كلام الشيخ البوزان صحيح ما دليلك يا مسكين الى لا شفقه لا رحمه pour toi لماذا تتفد du mal avec tes propres mains يا خلاف طيب يا با دليل reviens au haqq akhi اقل شيء ينشبها هؤلاء qui disent cheikh fulan اقل شيء ils ont des doutes écarte-toi des doutes دع ما يريبك الى ما لا يريبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام شيخ فوزان الى نافع اعانه المستفيد شرح كتاب توحيد لباب باب في المصورين يا باب في كتاب توحيد في المصورين tu reviens شرح شيخ الفوزان لان النسخ تختلف ان شاء الله tu trouveras ce كلام الجميل نكمل قال ثم الى سيتي فتاوى من اهل العلم on peut citer la fatwa de شيخ الالباني رحمه الله عليه قال شيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمه ولا ظل لها ça englobe tout عند شيخ الالباني ليس صحيح قال لعموم قول جبريل عليه السلام فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل يعني سأغلبت toutes les صور قال وهي الصور ويؤيده أن التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها الاستدلال de l'imam Nawawi vous vous rappelez أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a arraché ce rideau qui avait une photo là chaque sur ce rideau l'image elle ne faisait pas de ظل ce qui faisait la l'ombre c'est le rideau lui-même mais l'image elle était collée sur le rideau النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قال شيخ الألباني فيحرم الأول أو قولهم أي ceux qui font la différence قال والتفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي فيحرم الأول دون الثاني ceux qui font la différence أي les statues c'est interdit مثلا les vidéos c'est pas interdit قال الشيخ الألباني فهذه ظاهرية عصرية وجمود لا يحمد صحيح ظاهرية تعلمون قول الظاهرية قول الظاهرية ابن حزم إلى آخره ونا ديجا اكسبيكي هذا لا شك أن الحديث لانقلبتو الشيخ مقبل رحمة الله عليه كذلك قال قال فهذه الأدلة تدل على تحريم عموم صور ذوات الأرواح سواء بذلك ما له ظل أم ليس له ظل. هذا ست مسألة لواضحة. إفادة به الشيخ عبد الخالق حفظه الله أن من أفتى من العلماء بالتصوير سينزل لا يتابع عليها، لأن بعض الناس يقول لهم الشيخ فلان الذي لفوتو سي بيرمي، لا لا toi tu regardes le dalil il s'est basé sur quoi si tu sais que c'est un zalla لا يجوز لك الزلة il a glissé il s'est trompé لا يجوز لك tu le suis في هذا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لولا التقليد لم يخف من زلة العالم، لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجوز له أن يتبعه. صحيح المشكلة كما قال الإمام القيم سكت التقليد، فلهذا زلة العالم، العالم اللي هو معصوم ربما يسترومب ربما يجلس في مسألة معروف، لكن المشكلة هي المقلد، المقلد يسوي et il tombe dans cette erreur كذلك. Alors que le savant il est mujtahid, il est ma'jour. Amma al muqallid la, il est athim. Awalan il suit aveuglément, thaniyan il délaisse le haqq. Tambi qala shira'u at-tilfaz wa ad-dush bi hujjat mutaba'at baramij al-mashayikh thumma yanfatih ila mutaba'at al-akhbar wa yajurruhu dhalik ila an-nazar ila an-nisa thumma mutaba'at al-musalsalat thumma at-tanaqqul fi al-qanawat ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. On vous a déjà parlé de cette risala, Talib Ilm. Il était en Saoudie et il a acheté une télé. Il voulait mashaikh, suivre l'akhbar, regarder les savants. Thomas, il a fini au Liban. Quelle façade. Wallah, il a écrit une risala. Wallah, il est maudoud. Tout ça, il a ouvert la porte. Awalan, ce shir qui passe à la télé, tu n'as pas le droit de le voir. C'est une sourah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'aller. Fanyan, ça t'ouvre des portes de char. Il les a cités. Tu commences par. Tu regardes le shir. Thomas, c'est très rapide de changer de chaîne. Khasatan, un shaitan, il rakez. Troisièmement, elle est où la faïda? Nous, comme on répète souvent, on n'a jamais vu Sheikh Mokbel, rahmatullah alayhi, nastafid min. On a ses livres, on a ses audios. On n'a jamais vu Sheikh l'Albani, nastafid min. On n'a jamais vu Sheikh l'Islam le Taymiyyah, qablahum, nastafid min. Sheikh l'Islam Mohamed Mouhamed Zahab, on a étudié ses livres, on ne l'a jamais vu. La faïda, elle n'est pas dans le voir, la faïda, elle est ilmé. كذلك depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à l'invention des images il y avait pas de طلاب علم بل l'époque des salaf c'était comme ils disent l'âge d'or في العلم l'époque il y avait pas des images il y avait pas de طلاب علم بل il y avait أئمة السنة أئمة السلف والله ces vidéos elles te font que perdre ton temps et la plupart qui est en face de cette vidéo il écoute une minute et il rafle cinq minutes il y en a la vidéo il a l'ordinateur il a la télé فلان يرانت c'est pas ça العلم يا جماعة والله العلم c'est بالحفظ حفظ القرآن حفظ شيء من السنة يتتسوى عند العلماء تبوا العلماء ارحل عنده صحيح السلف إذا هكذا الرحلة صحيح أن المسلم لم يرى لصبر للسنة يا أخي فواياج فواياج يبخفزون يطلب العلم أما ست معصية تفكر جمال توت ست مسألة دي مشايخ إلى آخره كي باس على التالي بغل الدعوة وان لا يشبك دون لا محاضرة كون فوزادي فإن شاء الله لا نتوسع ونبخباج غالي دو حتى إن شاء الله الفائدة تكون عامة. كذلك تنبيه آخر أن بعضهم يبخن دي زماج أو يفو انتخي دي زماج في المسجد. اتق الله اتق الله لزماج دون تليفون اتق الله بعضهم يفوتوغرافي بل في المسجد الحرام المصيبة. Et on conseille les frères qui font le hajj et qui font l'umrah et qu'ils ont le qudra et qu'ils ont du ilm dans le mas'ala annahum ils parlent t'es fait le majid al-haram bi hikma ya am ittaqillah et tu le montres amma tu passes à côté comme s'il n'y avait rien là là il joue man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani qala nabi sallallahu alayhi wa sallam tu peux bi lisan qala al-imam ash-shanqiti rahmatullah alayhi wa la shakka anna dukhul al-musawwirin fi al-majid al-haram hawl bayt Allah al-haram bi alat at-taswir yusawwirun بها الطائفين والقائمين والركع السجود إن ذلك منافي لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز لأن التصوير الإنسان لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. تعال نذكر كلام الإمام الشنقيطي صاحب ضوء البيان الأصولي المفسر te montre qu'il n'y a aucune différence. Et al-hurma, elle est ashad fi baytillahi al-haram. C'est une musiba. Ils sont fait ibadah fi tawaf et ils filment. مصيبة واحد أحيانا يسون كوب مرانا بواحد سنان كوب و نباسي و لوي يغيت يتدي tu peux me prendre une photo et il se met هكذا dans couple vers le Kaaba. الله المستعان. On est où, on est où لو واحد من السلف لو غيبي هذا en couple avec sa femme, il te dit prends-moi en photo في عند الكعبة. صدق أنس. Vous faites des choses عندكم ودق من الشعر عندنا c'était من الموبقات. أما هذا avec sa femme في بيت الحرام et des صور صلى الله عليه وسلم. Je ne sais même plus quoi lui dire. Ma lakilla tansah tasbir et tu pars. La kinta takallam montre al-bayan fihi khayr. Min alamat ittiba' al-hawa tatabbu' rukhas al-ulama. Anna celui qui suit rukhas al-ulama, ça montre qui suit sa hawa. Sahih. Ba'd an-nas ils ont kada. Wallahi, tu lui parles, il sait que t'as haq. Il sait que les photos c'est haram. Il sait que les vidéos c'est haram. Nana t'as des adilla, il ne peut pas te répondre. Lakin, il cherche une rukhsa, mais Sheikh Fulani l'a dit. Ça montre al-hawa. Wallahi la yanfa'uka ash-shaykh. Et wallahi ash-shaykh il sera en face de toi dont tu cites sa parole ou sa fatwa, wallahi t'aurait montré que t'es à la shar et t'es à la batil fi hada. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala Malik laysa ahadun min khalqillah illa yukhad min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, on a cette qaida anna chaque être humain après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre son kalam ou le délaisser. Donc al-ibra c'est bid dalil. T'as cette qaida awalan. Falimada tu dis Sheikh Fulani passe à la télé. Limada. Là, tu peux prendre son col et le délaisser. Est-ce qu'on prend son col ou on le délaisse? Là, je sais qu'on le délaisse. Si un savant il dit, Anna Labas, de passer à la télé pour da'wah. Limada, on a un sens à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bel, qala Sulayman, at-Taymi, rahmatullah alayhi. In akhatta bi rukhsat kulli alim, ishtama'at fika, ou ishtama'at fika, ash-shar kullu. Celui qui prend rukhsat de tous les ulama, tout le char, il sera en lui. Là, on a ce savant, il autorise la vidéo. Un autre savant, il autorise kada. Un autre savant, il autorise kada. Un autre savant, il se trompe. Il prend tout. À la fin, الشر كله فيه. بل بعض العلماء ils ont dit من تتبع رخص العلماء تزندق. Ça devient zindiq. ربما يمرق من الدين. Les savants, ils ont des erreurs. Le savant, ouais, il en a une d'erreur. هذا المسكين, il prend toutes les erreurs. À la fin, il a tout le char, il est en lui. نعوذ بالله من الفتن. بقي مسألة الضرورة معروفة. الضرورة قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لأن بعض الناس يقولون le permis de conduire, la carte d'identité, l'argent, il y a des photos. هذه c'est une ضرورة. العلماء ils ont démontré أن le إثم il est sur celui qui a imposé هذا aux musulmans. Et أنت t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir un passeport, une carte d'identité, de l'argent. فهذا c'est ضرورة. أما لو la ضرورة de prendre des photos en souvenir. ضرورة c'est vital. T'en as besoin, il y a une haja masse. C'est ça, ad-daroura. Amma, elle est où la faïda de regarder un shir qui passe à la télé une conférence? Tu ne peux pas écouter une conférence dans un audio normal. Prends deux audios. Shir Ibn Uthaymeen, matalan, il a une conférence en vidéo sur, matalan, sur le tawhid. Tu trouves la même conférence de Shir Ibn Uthaymeen en audio sur le tawhid. Elle est où la différence? La différence, c'est que si tu regardes la vidéo, tu es athème, le malaïka ne rentre pas chez toi. Si tu regardes sans vidéo, Inch'Allah, le khayr wal baraka, ou testafid. C'est ça la différence. أما ضرورة معروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه إذا حمل الرجل الدراهم فيها صورة أو التابعية أو الرخصة أي كذلك la police ربما ils en ont besoin pour rechercher des criminels أو le permis de conduire أو le passeport إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا لهذه التصوير وإقراره. شوف avec ce tabbih أن مع هذا au fond de toi, t'aimes pas. Tu pourrais changer les choses, tu les changerais. Lakin, la yukallifullahu nafsan la wus'aha. Enfin, même ces choses, au fond de nous, on déteste. Au fond de nous, on déteste, lakin, on ne peut pas changer. L'ithm ala man farada ala nas hada. Thumma ila fin tanbih fil akhir, al jawalat. C'est une fitna. Al-an, fil haqiqa, à l'époque, vous vous rappelez, les années 80-90, la photographie, c'était pas à la portée de tout le monde. Les vidéos, caméras, caméscopes, ça venait de sortir, c'était cher, c'est pas tout le monde qu'on avait. Et les appareils photo kadalik. Al-Musib al-An, c'est tout le monde a un appareil photo. Pratiquement tout le monde. Ceux qui ont les téléphones, An, khasa dans les derniers modèles, khalas, il y a une caméra. Fattaqillah. Ittaqillah, akhil karim. C'est pas ça. Ba'd al-Nas, tous les jours, photo, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que tu vas dire, yawm al-Qiyam? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? T'as un ab, tu dois être sûr que tu auras des comptes à rendre. Fattaqullah. كذلك on précise نحن اتقوا الله في الأولاد في الأبناء اتقوا الله. Des parents, ils ont un ضعف. La première chose qu'ils font, ils placent son enfant devant la télé. اتق الله. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه par rapport à ceux qui mettent la télé chez eux, leurs enfants et leurs femmes. اسمع الكلام. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وكذلك أوجه النصيحة إلى من يضع الدش في هذه الاستراحات وأقول له اتق الله في نفسك ولا تكن سببا لفساد الأخلاق. صحيح. Ne sois pas un sebeb. Tu fais du mal à ta femme, à tes enfants. Là, c'est toi le sebeb. C'est toi qui as acheté la télé. Si chez toi tu ne vois pas de télé, Inch'Allah, il n'y a pas de télé. Et tes enfants, le Sakin, ils ne connaissent pas. Nous, on voit les enfants des Tolab. Wallah, il n'y a pas de télé. Wallah, l'enfant, il est mortel. Il ne sait même pas c'est quoi. Et il y a des jeux autres que la télé. Et avec l'ilm, et avec le Coran, et il va au masjid avec son père, avec les autres enfants. Wallah, il a une raha la ya'lamuha illallah. Amma hada, c'est du dhulm. C'est du dhulm. Et tu auras des comptes à rendre au jour du Qiyamah. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش. الدش c'est ce qu'on appelle la parabole de satellite. Autre aussi, internet, la télé, s'il y a des soirs et c'est fait pour les soirs, c'est من هذا الباب. قال لا يشك أن أحدنا أنه غش في البيت. Et il a cité le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية فيموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne une responsabilité, maintenant le père, il a une responsabilité, sa femme et ses enfants. Et il ne tient pas compte de cette responsabilité. Ben il est rash. Rash, maintenant avec la télévision, قال الشيخ ابن عثيمين, il a cité la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, إلا حرم الله عليه الجنة. Donc il montre, là, chacun, là, celui qui met la télé, ses enfants et sa femme, avec tout ce façade, là, chaque c'est min bab al-ghash. Et le wa'id, il est chadid. Fattaqillah. Taqillah fi awladik. Taqillah fi mra'atik. Taqillah fi ikhwanik. Taqillah fi nafsik. Tout ça, Allah, il n'y a pas de faïda. C'est une fitna, faqad. Nahnu wa lillahi alhamdulillah, on vit sans photo, sans image, sans vidéo. Est-ce qu'on a un naqs? Abadan. Si tu veux l'ilm, tariqat l'ilm, elle est ma'roufa. Tu veux le khair, tariqat le khair, elle est ma'roufa. Amma hada, wallah, c'est une fitna. Et akhtar al-nas l'an, ils ont été éprouvés par hada. Wala hawla wala quwata illa billah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. On essaiera, on propagera cet audio inshallah et on propagera le deuxième par rapport à la vidéo pour faire la da'wa. Ça complétera هذا inshallah. Le bab il est complet pour celui qui veut le qayyim. تفضل. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. عفوا التأخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. On avait fait ensemble une kalima sur تصوير ذوات الأرواح, c'est les images, les photos avec une âme, et on avait vu أن هذا c'était من كبائر الذنوب, et on avait vu que c'était حرام. لعن الله المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Tout ça, on avait compris, ولله الحمد, أن هذه التصاوير المنتشرة الآن c'est une fitna عظيمة على الأمة. Et on avait détaillé, et on avait lu la matouya de notre frère عبد الخالق الوصابي وفقه الله تعالى لكل خير. Et on n'avait pas cité le مسألة qu'on va citer الآن. من باب التنبيه ومن باب أن cette kalima إن شاء الله elle est le plus complète possible. Et cette kalima ou cette ziyada qu'on va faire l'an, ce rajout, c'est sur le fait de comment plutôt effacer cette image. يعني تعلمون أن بعض الناس ils effacent le visage فقط. وبعضهم يديز يفون بلا تيت كومبليتمون وبعضهم يمت ان تري اي ان فاصل انتر لا تيت و لو كور. هذه اقوال اي نحن سكي نوز انتريس سي لو قول كي بازي سور الدليل حتى اون ابليك اي اون انليف سو منكر على بصيره على علم لان تو سا سي دو دين. نحن كونت اون غارد كونتر لي ايماج افيك اون ام les images qu'ils ont une âme, on enlève un munkar, tout ça c'est tadayyun. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك ونبيه الكريم كذلك عليه الصلاة والسلام فهذا فالأقوال كثيرة et les avis en a beaucoup لكن أخي الكريم habitue-toi à prendre le قول qui est fondé sur le hujja et fais des recherches demande حتى si t'appliques t'appliques à la علم لا بالتقليد فلان il a dit فقط لا. Et Adam le répète souvent, et c'est muhim. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il a une risale nafi'a fi hadha al-bab. Hukm, taswir, dawat al-arwah. Et elle est matbou'a, elle est ma'roufa, majhoura, inda talabat al-ilm. Et il a cité un bab, wa huwa al-amru bi qat'i sura, hatta takoun ka hay'ati shajara. Et hadha c'est muhim. Al-amru. أي سنغض قطع الصورة حتى تكون كهيئة الشجرة ستمنطر أن الصور أي الجمادات كسواء الشجر أو البحر etc. tout ça c'est permis. Le but الآن c'est cette صورة qui comporte une âme, que ce soit un animal, un être humain. Si tu coupes la tête, cette sourate, c'est comme si c'était un arbre. Et c'est plus un être vivant. Et هذا c'est مهم pour enlever ce munkar. لأن تقدم معنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فمثلا si on enlève la tête de cette sourate, فإن شاء الله الملائكة تدخل. Et إن شاء الله on rentre plus dans les أحاديث التي فيها الوعيد. Qu'on a cité dans la kalima. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Taban, cette risala, ta'lamoun, anna Cheikh Muqbil, il écrivait de rasail sous forme de. En citant plusieurs hadiths et avec des abouab. C'est un muhaddith, rahmatullah alayhi. Il a cité ce bab al-amr, bi qat'i sura hatta takoun ka hay'ati shajara. Qala al-imam al-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, haddathana Suwayd. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak. الإمام قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق قال أخبرنا مجاهد ابن جبر المفسر الكبير قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه. Vous vous rappelez dans la kalima, on a vu plusieurs hadiths fi hada. Anna Jibril, il ne rentrait pas fi le bayt. Limada li annahu yavin sura. Al-An, il explique pourquoi Jibril dans ce hadith. Il explique au prophète sallam limada. Qala illa annahu kana fi bab al-bayt timthal al-rijal. Yavin sura. Qala wa kana fi al-bayt qiramu sitrin fihi tamathil. Qissat Aisha, tadhkuru. Quand il y avait des représentations sur les rideaux. وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ كَذَلِكْ. On l'a vu ce hadith. فِيهِ كَلْب. Quand on a dit qu'il était en dessous du sarir, c'est le Hassan et le Hussein qui l'ont fait rentrer. Il y a un riwaya an Ahmed qui détaille هذا, il l'a cité Cheikh Muqbil. قَالَ فَمُرْ. Al-An, Jibril, alayhi salam, il va donner la solution au prophète, alayhi salatu salam. Comment se débarrasser de ce souwar, de ces tamathil, hatta Jibril, il rentrera fil bayt. Qala famur bi ra's at-timthal alladhi bil bab fayuqta'. Na'am. Famur ay ordonne. C'est pour ça que Cheikh Muqbil dans le titre il a dit al-amru. Ta'lamun anna al-amr yaqtadhi al-wujub. C'est ça l'asl. Famur bi ra's at-timthal alladhi bil bab fayuqta'. Donc le bril il explique au prophète Mohammed sallam awwalan l'image de cet homme. Vous coupez la tête. فَمُرْ بِرَأْسَ أَتِمْتَلَ الَّذِي بِالْبَيْتِ فَيُقْطَعْ. On se débarrasse de la tête. قَالَ فَلْيَصِيرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ. Ça te montre أنه لا يكفي d'effacer le visage. لِأَنَّ أَوَّلًا فِي الْحَدِيثِ فِيهِ الرَّأْسِ. Il n'a pas dit le wajh. Il y a une différence entre la tête et le visage. Il aurait fallu effacer le visage. فَقَطْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Al-An, il est descendu bil wahi, il aurait démontré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mafhoum. Kadhalik, ça ne suffit pas le simple trait, comme ils font ba'd an-nas. Il met un trait, ka'annahu, il veut séparer le visage ou la tête du corps. Là, li'annahu, ça ne sera pas ala hayat ishajara. Amma al-An, Jibril, il monte, tu te débarrasses de la tête, hatta ce corps, c'est comme un arbre. Un arbre, ça n'a pas de tête. Kadhalik, ça nous montre, anna. Une photo par derrière, tu photographies maintenant un être humain par derrière. Est-ce qu'il a la tête? Non. Est-ce que c'est une sourah? Non. Ala hadha al-hadith. Lian Jibril, alayhi salam, il ne fait pas de différence de face ou par derrière. Là, il montre un assis à la tête, il ne rentre pas. Donc, c'est une photo muharrama. Pour te débarrasser, t'enlèves la tête. Que ça soit de devant ou de derrière, cette photo elle était prise, ou de côté, ou le visage il est caché, ou le visage il est effacé, al-ibra c'est bi qat' al-ras, comme avait dit al-hadith. Al-hadith il est عند l'imam al-Tirmidhi, le Cheikh Muqbil, il le hassana ou il le sahah, comme ça t'asma al-ah. Qala, famur bi ras al-timthal al-ladhi bil-ba fa yuqta' faliyasir ka hay'at al-shajara ila akhir. Et كذلك il a dit wa mur bil kalb fal yukhraj etc. Amma al kalb tu le fais sortir min al bayt. Qala fa fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anta akhi al karim tu es ma'mour bittiba' hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu la parole de Jibril, il a appliqué sami'na wa ata'na. Quand c'est carte de shuba, Fulan il a dit mais on voit pas le visage. Al-Muslim yastaslim li awamirillah. Et ta'lamoun anna le châtiment qu'on a cité pour le Moussawirin, il est chadid. Al-la'n, et c'est tard min rahmatillah. Wa ashad al-nas azaban, azab chadid. Wa al-malaika la tadkhul, etc. Fa prends pas des risques, akhil karim. Al-an, nous on se pose la question, t'as une surah, que t'effaces le visage ou la tête, elle est où, al-haqiqa, la différence. T'effaces tout. Ben, Al-Ihtisab, celui qui est Ihtasib lillah. Et il enlève ses photos, il efface cette tête. On ne voit plus la tête. S'il peut l'effacer, il l'efface. Ou s'il n'arrive pas à l'effacer, il l'arraye, ou il la brûle. Ou si c'est un tissu, il le coupe. Il coupe cette tête. Fahada, qui fait ça, Ihtasib lillah, il est ma'djour. Ma balouk, toutes les photos, toute ta vie, t'efface. Ou tu brûles, ou tu coupes cette tête. Inch'Allah, yom qiyama, c'est des ujour azim. Enfin, ne perds pas cette force. Kadhalik, on s'écarte des doutes. Mais Fulan, il a dit, mais on ne voit pas le visage, mais c'est par derrière. Et si tu n'enlèves pas, le malaïka ne rentre pas, est-ce que tu as gagné quelque chose? Wallah, tu es perdant d'item. Et Yom Al-Qiyama, tu auras des comptes à rendre, c'était à l'ilm. Amma Ba'd al-Juhal, ils ne connaissent pas ça. Lakin, nous, on s'efforce d'appliquer nous-mêmes et on propage. Hatta al-khayr ya'um, bi'idnillah. Qala. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب نعم ثم يلكسلك للحسن وللحسين إلى آخره إلى تسولي كما في الرواية قال هذا حديث حسن صحيح دونك الإمام الترمذي رحمه الله يدي حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن أي الإمام مقبل بن هادي الوادعي هذا حديث حسن تمام الحسن في الحجة كما تعلمون ثم يسد ذو الطرق الإمام أحمد كذلك إلى غبقت حديث أبي هريرة الشيخ مقبل يقول حسن كذلك عن نطخ رواية عن الإمام أحمد يغبقت plusieurs روايات عن نطخ حديث غبقت par الإمام أبو بكر رحمة الله عليه لابن إبراهيم الإسماعيلي في المعجم الشيخ مقبل يسد في هذه الرسالة قال الإمام أبو بكر حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا عدي ابن الفضل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة هذا حديث صريح السورة الرأس أي السورة c'est la tête أي s'il n'y a plus de tête c'est pas une sourate فَإِذَا قُتِعَ الرَّأْسِ فَلَا سُورَ. Et ça, la deuxième partie, c'est l'explication de la première partie. Explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ الشيخ مُقْبِلْ وَالْحَدِيثِ فِي سَنَدِهِ عَدِي بْنِ الْفَضْلِ أَبُو حَاتِمْ بَصْرِي قَالَ بْنُ مَعِينُ وَأَبُو حَاتِمْ مَتْرُوكُ. فالحديث il est ضعيف. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم il est ضعيف. قَالَ وَقَالَ يَحْيَى قال ابن معين وابو حاتم متروك وقال يحيى اي ابن معين لا يكتب حديثه هذا جرح شديد متروك on va voir ce qisme ان شاء الله normalement aujourd'hui dans notre dars fil bayquniya et لا يكتب حديثه كذلك انه c'est pas une personne de confiance وقال غير واحد ضعيف كما في الميزان نعم قال فعلى هذا فالحديث ضعيف جدا اي مرفوعا الحديث لضعيف أي la parole du prophète صلى الله عليه وسلم سورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة c'est ضعيف لكن سيأتي معنا أن الحديث إلى ثابت عن ابن عباس قال فالحديث ضعيف جدا ولم أجد له طريق أخرى on va voir que الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي حسن avec طريق أبي هريرة qu'on a vu qu'il a rapporté l'imam Tirmidhi l'imam Ahmed le premier hadith qu'on a vu ثم Il cite des autres turuq. L'imam Tahawi l'a cité. L'imam Al-Bayhaqi l'a cité. Ils l'ont cité mawqufan Ali ibn Abbas. On cite tariqat Al-Bayhaqi rahimahullah fi sunan. Qala akhbarana Abu Ali. Qala akhbarana Ismail ibn Muhammad al-Saffar. Qala akhbarana Muhammad ibn Ali. Qala akhbarana Sahl ibn Bakkar. Qala akhbarana Wahb an Ayyub an Ikrima Ali ibn Abbas. Ce isnad s'arrête à Ibn Abbas, ce qu'on appelle le hadith al-mawquf. Qala Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, as-suratu al-ra's, fa'idha quti'a al-ra's, falaysa bi-surah. Qala Cheikh Muqbil, hadha isnadun sahih ila Ibn Abbas, mawqufan alayh. Donc le hadith, le deuxième, as-suratu al-ra's, fa'idha quti'a al-ra's, fala surah, ça c'est sahih an Ibn Abbas. Amma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est da'if. Fihi adi, et il est matruk. Qala Cheikh Muqbil, fa'ala hadha, fa'as-sahih. أن الحديث موقوف على ابن عباس على ابن عباس وأن المرفوع شديد الضعف أي نعم لكن في الحقيقة يكفي ويغني عنه حديث أبي هريرة l'histoire de Jibril أي vous coupez la tête حتى ça devient كهيئة الشجرة ففي الحقيقة سلام من معنى فلهذا الشيخ الألباني انتهى كلام الكلام de la رسالة de الشيخ مقبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى كلام على هذا قال رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع صفحة 554 الفوليوم 4 554 الصحيحة قال الشيخ الألباني السورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة حديث من؟ حديث ابن عباس إلي صحيح؟ لا ضعيف ضعيف ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موقوف عن ابن عباس صحيح. نعم أحسن هذا نحن استفدنا من كلام الشيخ مقبل أنه إذا صحيح موقوفا نقرأ ماذا قال الشيخ الألباني قال يا شيخ الألباني عزاه السيوطي في الجامع الصغير للإسماعيلي أبو بكر تقدم معنا قال في معجمه قال وبيض له المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء On va lire la parole de Munawi, Sahib Fayd al-Qadir. C'est un kitab tayyib. Il explique les hadiths. Mais il n'a pas parlé de son isnad. Et nous, on a lu le kalam du Cheikh Muqbil. قال وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء الحادي عشر من الضعفاء للعقيلي بخط بعض المحدثين. أخرجه من طريق عدي بن الفضل. هذا. عدي بن الفضل متروك. قال وابن علي جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مرفوعا هذا اللي ضعيف قال ومن طريق عبد الوهاب عن أيوب موقوفا عليه هذا اللي صحيح قلت وابن علي اسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال فروايته المرفوعة أرجح فالذي يظهر سك الكلام الصحيح لا فيد الشيخ مقبل أنه اللي ضعيف مرفوعا قال فإذا كان السند إليهما صحيحا دونك الشيخ الألباني لا ميسيت كونديسيون فالسند صحيح ولم يسقه الكاتب المشار إليه ولكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الترمذي كون أبي وضيبي أتاني جبريل الحديث دونك حديث أبي هريرة يغنفخص حديث ابن عباس شيخ مقبل دي موقوف بعضهم ابن حسن أو صحح كشيخ الألباني مرفوعا الأمر لسهل لا شك أن حكم لثابت avec ces deux hadith. قال وفيه فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. قال الشيخ الألباني فهذا صريح في أن قطع الرأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. هذا كلام الشيخ الألباني يتموت خلنا أساسا النص في حديث أبي هريرة il est ثابت مرفوعا أي quand Jibril est venu voir le prophète عيسى عليه السلام فيه on doit couper la tête de صورة حتى il n'y a plus les ahkam qu'on a vu dans la kalima fi sour ay al wa'id al shadid al malaika ne rentre pas etc. قال الشيخ الألباني قال فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد بل لابد من الإطاحة بالرأس. Ça c'est كلام الشيخ الألباني. Ça suffit pas de faire un trait entre la tête et le corps. لأن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الرأس بإزالة الرأس حتى سادوفيان كهيئة الشجرة. أما si tu mets un trait, est-ce que c'est encore le corps d'un être humain avec une tête? نعم. فهذا هذا القول الصحيح. كلام شيخ الألباني. كلام شيخ مقبل رحمة الله عليه. قال الشيخ الألباني وبذلك تتغير معالم الصورة. معالم الصورة c'est l'apparence الآن de cette صورة sans tête, نعم. أما que tu fasses un trait ou t'effaces le visage, est-ce que ça reste un corps? نعم, ça reste un corps d'un être humain. أما si t'enlèves la tête, il n'y a plus هذه الأمور et inshallah t'as enlevé ce munkar. قال الشيخ الألباني كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة فاحفظ هذا ولا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه ومن أخذها أصلا من المتأخرين. صحيح لا تغتر, نصيحة من إمام, لا تغتر لأقوالك خالف الحق. الآن ترى قول جبريل حديث أبي هريرة عند الترمذي تا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبليكي سكو جبريل يؤردني تا حديث ابن عباس إلي موقوف عنه ونا أوكان دوت المرفوع أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم اللي حسن. نعم la parole de l'imam al-Albani, ta la parole de l'imam Muqbil ibn Hadi rahmatullah alayhima, kadhalik on te rajoute la parole de l'Munawi. Tout ça akhi c'est du ilm et tout ça ta hujja va être qawiyya. Amma tu délaisses et tu prends des choses da'if jiddan, tu vas te faire du mal. Là c'est du din, on doit être sûr et on s'écarte des doutes. Est-ce que ça va nous prendre plus de temps d'effacer le visage ou d'enlever la tête? Haqiqa niveau temps, niveau ta'b, c'est la même chose. On applique mitlahada ta'assiyan bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les aqwal qui khalif hada, si c'est des ulama, des afadil, on les respecte et on les khalif liyanna pour nous le qawl sahih. C'est hada, il est fondé sur le dalil. Et si c'est des dollal, des juhal, fa yunsahoun. Yunsahoun. Aslan, la taltafit ila qawl al juhal wa dollal. Ils ont des aqwal kathira. Qala al munawi rahimahullah, fi sharhih, ay fayd al qadir. Qala al suratul ra's. قال أي الصورة المحرمة لا شك. C'est quoi qui montre qu'elle est محرمه؟ C'est que Jibril il est pas rentré et c'est que Jibril il a dit d'enlever. Donc ça montre que c'est haram. قال أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. قال فتصوير الحيوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم. تمام. لتستفيد من هذا أن ربما tu savais pas t'avais des vêtements خاصة pour les enfants. Et il y a des têtes, il y a des corps, des imma animaux, imma êtres humains. Il y a le corps, c'est une surah. Fa fi hadha al-hal, tu n'es pas obligé de jeter le vêtement complètement. Tu coupes la tête, ce bout de tissu, tout le monde tu remplaces par un autre tissu. Et tu estafid nina hadha thawb. Na'am. Qala fa taswir al-haywan haram, lakin idha quti'at ra'su, intafa al-tahrim li'annaha bidun al-ra's, la tusamma surah. Na'am. Ka hay'ati al-shajara. هذا كلام المناوي رحمة الله عليه. فسيسا كون فولي كومبليتي لأن في الحقيقة on avait cité le حكم, on avait cité أقوال العلماء, on avait cité des conseils et في الحقيقة on cite هذا c'est مهم comment enlever cette surah. Donc enlever le visage فقط ça suffit pas. وننصح الإخوان خاصة الآن avec les moyens de communication sur leur téléphone ينتبهون leur profil T'as un profil anta, avec ton nom avec une image à côté. Nansah al-ikhwan, ils choisissent des photos qui ne sont pas muharrama. Écartez-vous des doutes. Wahad, il est derrière, wahad, son visage, il est effacé. Écartez-vous, Léana, t'es pas tout seul. Nahnul al, on a cet avis. Si dans notre téléphone il y a cette soirée, c'est un mushkil. Et on s'écarte des doutes. On s'écarte des shubuhad. Et on s'accroche une chose wadiha. Al-an, si t'enlèves la tête, est-ce que quelqu'un peut n'taqad alayk? Abatan. T'as des hadiths et t'as des aqwal a'imma. Al-an, si tu laisses la tête, t'enlèves que le visage, ou tu mets un trait. Rubbama n'taqad alayk. On te dit, c'est pas sahih. Fais dans les choses wadiha. Et préserve ton din. Préserve ton din. Kadalik, on conseille les frères qui rentrent avec nous dans les moyens avec lesquels on propage la da'wah, le site où on met les audios ou autres, on les conseille qu'ils mettent des sourds qui ne sont pas muharramah. On n'a même pas à perdre notre temps. Toujours, toujours ils chantent, tous les jours ils changent de sourds. Il n'y a pas trop de faïda. Et c'est une perte de temps, si ça prend du temps. Celui qui met une sourd, il met une sourd tayyiba. Il ne met pas des choses haram. Tout le monde est obligé de conseiller, on est obligé de le contacter, enlève. Il a arrêté, c'est une da'wah. C'est une da'wah. Il y a des gens, ils regardent, il y a des gens, ils suivent. Enfin, nous, on doit être des exemples. On doit être un miftah. Pour le khair, pas pour le shar. Pas pour le shar. Et là, c'est une mas'ala sahla. C'est devenu sahla, inda ba'd al-nas, à cause des fitan et du jahl. Amma wallahi, c'est une mas'ala azima, comme on a expliqué dans la kalima. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يوفق الجميع فإن شاء الله هذا التنبيه on le rajoute à la kalima et on propage بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين